La radiodiffusion télévision française présente Cascando, invention radiophonique pour musique et voix. Musique de Marcel Mialovici, texte de Samuel Beckett. La mise en onde musicale est de Jean-Étienne Marie, avec les voix de Roger Blin et Jean Martin. Ensemble instrumental sous la direction de Manuel Rosenthal. Réalisateur Paul Ventre. Thank you. Moi, je suis au mois de mai. Oui, c'est juste. J'ouvre. Histoire, si tu pouvais la finir, tu serais tranquille, pourrais dormir, pas avant. Oh, je sais, j'en ai fini, des mille et des une, fais que ça, ça ma vie, en me disant, finis celle-ci, c'est la bonne. Après, tu seras tranquille, pourras dormir, plus d'histoire, plus de mots, et la finissais, et pas la bonne, pas tranquille, tout de suite une autre, à commencer, à finir, en me disant, finis celle-ci, après tu seras tranquille, cette fois c'est la bonne, cette fois tu la tiens, et la finissais, et pas la bonne, pas tranquille, tout de suite une autre, mais celle-ci, c'est différent, je vais la finir, je serai tranquille. C'est la bonne, cette fois je la tiens, cette fois j'y suis, mon nu, je reprends, une vie bien longue déjà, quoi que l'on dise, quelques malheurs, ça suffit, 5 ans plus tard, 10 ans, je ne sais plus, mon nu. Il a changé, pas assez, on le reconnaît, dans la baraque, encore une, il attend la nuit, qu'il fasse nuit, pour sortir, aller ailleurs, dormir ailleurs, c'est long, il lève la tête, de temps en temps, regarde la vitre, elle brunit, la terre brunit, il se lève, genoux d'abord, puis debout, se glisse dehors, mot nu, même vieux manteau, à droite la mer, à gauche les collines, il a le choix, il n'a qu'à... Et je referme, j'ouvre l'autre. Ferme. J'ouvre les deux. Avance, elle avance. La finir, ne pas lâcher. Après, tu seras tranquille. Pourras dormir, pas avant. La finir, c'est la bonne. Tu la tiens, tu y es. Quelque part, mon nu, tu le tiens. Le suivre, ne plus le lâcher. Histoire, mon nu, elle avance. La finir, puis dormir. Plus d'histoire, plus de mots. Allons, la suite, elle avance. La finir, ne pas lâcher. Après, tu seras tranquille. Pourras dormir, pas avant. La finir, c'est la bonne. Tu la tiens, tu y es. Quelque part, mon nu. Le suivre, ne plus le lâcher, histoire mon nu, à l'avance, la finir, plus dormir, plus d'histoire, plus de mots, allons, la suite. Et là, je referme. Je recommence. Descends, pente douce, chemin creux, tremble géant, vent dans les cimes, au loin la mer, mon nu, même vieux manteau, il avance, il s'arrête, personne, pas encore, nuit trop claire, quoi que l'on dise, le talus, il rase le talus, même vieux bâton, mon nu, il descend, il tombe, exprès ou pas, je ne vois pas, il est par terre, c'est le principal, le visage dans la boue, bras déployés, allons bon, ça y est déjà, et non, pas encore, il se relève, genoux d'abord, mains à plat, dans la boue, tête basse, puis debout, énorme, allons, il repart, il descend, allons, dans sa tête, voire dans sa tête, un abri, lieu sûr, un creux, dans les dunes, une grotte, vague souvenir d'une grotte, dans sa tête, il descend, moins d'arbres, plus de talus, il a changé, pas assez, nuit trop claire, bientôt les dunes, plus rien qui cache, il s'a... tenir. Plus d'histoire, plus de mots. Ne pas lâcher, c'est la bonne. Ça y est, presque, j'y suis. Quelque part, mon nez, je le tiens. Ne plus le lâcher, le suivre. Jusqu'au bout, allons. Cette fois, c'est la bonne. Finir, dormir, mon nu. Allons, ne plus le lâcher, le suivre. Jusqu'au bout, allons. Cette fois, c'est la bonne. Finir, dormir, mon nu. Allons. Comme ça, à volonté. On dit, c'est dans sa tête. Mais non. J'ouvre. Tombe, retombe, exprès ou pas, je ne vois pas, il est par terre, c'est l'essentiel. Le visage dans le sable, bras déployés, d'une blanche, tout à fait, même vieux manteau, nuit trop claire, quoi que l'on dise, mer plus fort, tonnante, crinière blanche, mon nu, sa tête, voir dans sa tête, la paix revenue, dans sa tête, plus à aller, plus à chercher, dormir, et non, pas encore, il se relève, genoux d'abord, mains à plat, dans le sable, tête basse, puis debout, sur pied, énorme, masse énorme, même vieux chapeau, enfoncé, vaste bord, allons, il s'ébranle, lourde masse, dans le sable, jusqu'au mollet, il descend. Et je referme. J'ouvre l'autre. Et je referme. Comme ça, à volonté. C'est ma vie. Je vis de ça. Oui, c'est juste. Qu'est-ce que j'ouvre? On dit, il n'ouvre rien. Il n'a rien à ouvrir. C'est dans sa tête. On ne me voit pas. On ne voit pas ce que je fais. On ne voit pas ce que j'ai, et on dit, il n'ouvre rien. Il n'a rien à ouvrir, c'est dans sa tête. Je ne proteste plus, je ne dis plus, il n'y a rien dans ma tête. Je ne réponds plus. J'ouvre et referme. Lumière de la terre, de l'île, du ciel, il n'a qu'à lever la tête, les yeux, il les verrait, l'éclairer, mais non. Thank you. on dit, ce n'est pas ça sa vie, il ne vit pas de ça. On ne me voit pas, on ne voit pas ce que c'est ma vie, on ne voit pas de quoi je vis. Et on dit, ce n'est pas ça sa vie, on ne vit pas de ça. J'en ai vécu, assez vieux, suffisamment. Écoutez. Cette fois, j'y suis, mon nu, c'est lui, je l'ai vu, cette fois, je le tiens. Allons, même vieux manteau, il descend, tombe, retombe, exprès ou pas, je ne vois pas, par terre. Je donne le maximum. Allons, visage dans les galets, plus de sable que des galets. Allons bon, ça y est, cette fois, et non, pas encore, il se relève, genoux d'abord, main à plat sur les galets, tête basse, puis debout, sur pied, masse énorme, mot nu, plus vite, il s'ébranle, il descend, il... Le maximum. Ce n'est pas tout. J'ouvre les deux. Écoutez. Le chercher, dans l'ombre, le voir, le dire, pour qui, c'est ça, n'importe, jamais lui, jamais le bon, recommencer, dans l'ombre, plus de ça, cette fois, c'est la bonne, ça y est, presque, finir, dormir, plus chercher, le chercher, dans l'ombre, le voir, le dire, pour qui, c'est ça, n'importe, jamais lui. D'un astre à l'autre, on dirait qu'il tombe d'accord. Nous n'en avons plus pour longtemps. C'est bien. Presque. Je le tiens. Je l'ai vu. Je l'ai dit. Ça y est. Presque. Plus d'histoire. Toute fausse. Cette fois, c'est la bonne. Je la tiens. La finir. Dormir. Mon nu. C'est lui. Je le tiens. Le suivre. Jusqu'au. Jusqu'au. Jusqu'au. Jusqu'au. Jusqu'au. Jusqu'au. Jusqu'au. C'est bien. Oui. C'est juste. Au mois de mai. Vous savez. Le renouveau. J'ouvre. Ni banc, ni barre, ni rame, à flot, d'un bond, revient, échoue, s'arrache, s'éloigne, mot nu, il le remplit, tout le fond, visage contre les planches, bras déployés, même vieux manteau, main serrant les plats bords, non, je ne sais plus, je le vois, il s'agrippe, prend le large, cap incertain, sur l'île, puis plus, ailleurs. On disait, c'est de lui, c'est sa voix, c'est dans sa tête. Plus vite, ça cingle, se cabre, pique du nez, cap sur l'île, puis plus, ailleurs, partout, cap partout, lumière. Aucune ressemblance. Je répondais, et ça? C'est de moi aussi, mais je ne réponds plus. D'ailleurs, on ne dit plus rien. On s'est sauvé. C'est bien. Oui, au mois de mai, c'est juste, fin mai, les jours longs. J'ouvre. J'ai peur d'ouvrir, mais je dois ouvrir. Donc, j'ouvre. Allons, mon nu, bras déployés, même vieux manteau, visage dans l'eau, il s'agrippe, l'île loin, cap au large, large partout, plus de terre, sa tête, voir dans sa tête, mon nu, enfin. Allons, allons. Chercher ailleurs, toujours ailleurs, ça y est, presque, mon nu, tenir bon, ne pas lâcher, lumière, de la terre, quelques-unes, presque plus, trop loin, trop tard, du ciel, celle-là, si l'on veut, quoi que l'on dise, qu'à se mettre sur le dos, il les verrait, l'éclairer, mais non, il s'agrippe, mon nu, il a changé, presque assez. Bon Dieu! Bon Dieu, bon Dieu. Je me demandais autrefois, qu'est-ce que c'est? Je répondais quelquefois, c'est la promenade. Deux promenades. Puis le retour. Où? Au village, à l'auberge. Deux promenades, puis le retour ensemble au village, à l'auberge, par le seul chemin qui y mène. Une image comme une autre. Mais je ne réponds plus. J'ouvre. Pas lâcher, la finir, c'est la bonne. Je la tiens, cette fois, ça y est, presque, mon nu. On dirait qu'il se donne le bras. Presque, mon nu, dormir, plus d'histoire. Allons, mon nu, c'est lui, le voir, le dire, jusqu'au bout. Ne pas lâcher, ne pas lâcher. C'est bien. Presque, encore quelques, encore quelques, encore quelques, encore quelques, encore quelques. J'y suis, presque, mon nu, c'est lui, c'était lui, je l'ai eu. Presque. C'est bien. C'est la bonne. Finir. Plus d'histoire. Dormir. Ça y est. Presque. Encore quelques. Encore quelques. Ne pas lâcher. Mon nu. Il s'agrippe. Allons. Allons. Cette fois, c'est la bonne. Finir. Plus d'histoire. Dormir. Ça y est. Presque. Encore quelques. Encore quelques. Ne pas lâcher. Mon nu. Il s'agrippe. Allons. La radiodiffusion télévision française vient de vous faire entendre Cascando, invention radiophonique pour musique et voix de Marcel Mialovici et Samuel Beckett. Mise en onde musicale, Jean-Étienne Marie. Voix de Roger Blin et Jean Martin. ensemble instrumental sous la direction de Manuel Rosenthal. Réalisateur, Paul Vente.